Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes, roi des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du tentateur qui toujours se dérobe, qui susurre le mal dans les cœurs des hommes, qu'il soit quant à lui djinn ou homme.